tu aimeras le silence et tu voudras du bruit. Voyager dans ta chambre, ne pas quitter ton lit. Une envie de sortir et ne pas s'en aller. Un verre pour t'étourdir, et puis non, juste un thé. Tu voudras un bébé, mais tu ne voudras pas le faire. Tout vendre et habiter une maison sous la mer. Un monde autour de toi sans être dérangé. Et puis tu comprendras que tu ne sais pas nager. J'aurai une allumette pour voir briller tes yeux. Un jour tu ne sauras pas ce que tu veux. Un jour tu ne m'aimeras plus, mais tu voudras rester. Ne pas m'avoir perdu tout en m'ayant quitté. Ne plus téléphoner, ne plus te souvenir. Attendre mon courrier, mais surtout pas l'ouvrir. Tes deux mains sur ta robe, par pudeur ou par jeu. Un jour tu ne sauras pas ce que tu veux. Un jour tu auras un amant pour ne tromper que toi. Tu t'en iras souvent en restant toujours là. Tu aimeras le silence et tu voudras le bruit. Voyager dans ta chambre, ne pas quitter ton lit. Et puis tu m'oublieras en pleurant sur nous deux. Un jour tu ne sauras pas ce que tu veux.